Chalet et CKRL. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, pour cette semaine, deux heures de bon nouveau rock progressif. On débute avec Days Between Stations qui ont fait paraître un album qui en a surpris plus d'un il y a quelques mois. C'est le projet de deux musiciens, Oscar Fuentes-Bills et Sepand Samzadeh. Le premier étant sur les claviers et le second les guitares. Et ils ont invité un paquet d'artistes là, qui tournent autour de Yes, si on veut. Il y avait Billy Sherwood d'abord qui a été approché puis qui a beaucoup contribué à l'album. Et il y a Peter Banks, donc le premier guitariste de Yes qui faisait partie de tous les enregistrements à peu près de ce disque et qui est décédé juste après. Il y a aussi sur ça la collaboration de Tony Levin et Rick Wakeman. Alors on écoutera une superbe pièce qui est la pièce de résistance de cet album, un album intitulé In Extremis, et on débute avec la pièce In Extremis sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Thank you. looking down, shadows dancing on the ground. No one's here, the memories play and then disappear. Design.

Ce soir au 89.1, à 18h, Rétrogardiste vous propose de la musique délirante, rock'n'roll, psyché mambo grunge, en compagnie de Christina Mossini. De 19h à 20h30, c'est l'émission Les produits du terroir, des musiques à saveur locale avec Marc Baudet. À 20h30, Vincent Delisle et Jacques Dulac présentent Illusions auditives, des découvertes et des nouveautés rock en tout genre. Pour terminer la journée et commencer la nuit à CKRL, écoutez Terra Incognita, une émission consacrée au néo-progressif avec Marc Chaunet, Michel Bilodeau, Jean-François Lamarre et Bruno Côté à 22h. Et dès minuit, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve, du rock, prog et psychédélique des années 60-70. Bonne soirée. Voici Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, c'est Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, la piscine est présentement vide, alors on a besoin de vous pour la remplir de fun. Venez nous rejoindre, Nadia. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88-640-2575, poste 207. Attention! Veuillez prendre note que l'émission Ma boîte à cassettes a reculé d'heure. Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes, maintenant de 17h30 à 19h tous les mardis. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Alors, de retour avec Bruno et Marc, est-ce qu'on a entendu juste avant? La pause, c'était La Maschera di Cera, tirée de leur plus récent album. C'est La Porte del Domani. Et la pièce, c'était la pièce Alle Porte del Domani. Et juste avant, il y avait Just a Days Between Stations, et la pièce In Extremis, tirée de leur album éponyme qui vient de paraître, c'est leur second. Le premier était instrumental, et c'est un groupe qui est pas mal bon, hein, vous avez pu le constater. On va poursuivre en italien, pour faire une suite avec La Maschera di Cera. On va poursuivre avec le groupe La Coscienza di Zero. Et ils ont contribué à un projet dont le sujet est les histoires donc de H.P. Lovecraft. Lovecraft qui était un écrivain américain, Howard Philip Lovecraft, qui est né à Providence aux États-Unis en 1890 et qui écrivait des histoires assez sombres, un peu à la Edgar Allan Poe. Et ça sera la pièce, donc leur contribution à cet album de La Coscienza di Zero avec la pièce Colophonia. Ensuite de ça, il y aura Ornitos, c'est leur premier disque, tiré de La Trasfigurazione, la pièce Sommarinzado, L'Altare di Fuoco, et ça se terminera avec Cotebelle, et c'est tiré de leur plus récent et vraiment excellent album, Concerto for Piano and Electric Ensemble, et ce sera la pièce, donc Vivo Scherzando. Alors, donc, allons-y tout de suite en musique avec La Coscienza di Zero, Ornitos et Cotebelle. We'll be right back.

Alors, c'est fondé à Santiago en 2001. Donc, dans leur second album, on aura une première pièce de Isles et ensuite Rack et la suite de Lépidoptera. C'est donc Lépidoptera 2 et ça sera la pièce The Ascent. On voulait parler aussi côté spectacle. Je sais que vous en avez eu plusieurs récemment, mais ne manquez pas Steve Hackett qui s'en vient au Grand Théâtre de Québec le 4 octobre prochain. Et aussi à Montréal, Ian Anderson, Thick as a Brick, Part 1 and 2, le 5 octobre, à la Place des Arts de Montréal, salle Wilfrid Pelletier. Et il y aura aussi à Québec, Pendragon, à l'Impérial, avec Red Sun, la première partie, et c'est le 19 octobre prochain. Donc, vous pouvez vous procurer des billets, et c'est un autre bon show de rock progressif qu'on aura dans la région. On y va donc en musique tout de suite avec Isles. Rack. Como tiempo antes en que un día le dijo: tiene que ser así, nunca juntos. Ahora aquí, a este día llega, ella no cumplirá su promesa. Abrirá la puerta, abrirá la puerta. Qué presencia luminosa. Es mi esqueleto, lo puse hacia afuera. Que va bien. Debería yo ponerme algo. Ese pantalón de piel suelta y porosa. Y esa camisa de canas con piel cebosa. Se ve muy bien. Acércate. Si no fuera por tanto hueso, mi tormenta de deseo deformaría tu carne sin sustento. Una masa quedarías. Y esa masa aún te excitaría. Si tú allí estuvieses. Y aún más. Si tanto apretara que como una pequeña esfera yo quedara entre tus manos y me echas al ardiente torrente de tu boca, aún tu placer sería inconmensurable. No me pruebes así tanto. Si te quisiera tu cuerpo, que hice algo, ten mejor mi sexo pronto adentro. Cruzando las escaleras. Cuando se haya ido dirán: Ignorante vino, ignorante se va. ¿Cuándo sabrá del hijo que tiene de ella? Y se da espeso, enfermo, que escondido tras la pared, escucha la voz del que es su padre. Solo gemidos desbordantes de un subconsciente podrido, fruto de lo que ahora es él. Con el hijo abrazado al pecho, bajo las ruedas del pesado tren de fierro. Al llegar el hombre y ver impactado la irreconocible forma de sangrado, sin pudor se abalanzó sobre la carne y con su alma superada amó todo lo que allí muerto estaba. Amó a su hijo sin saberlo.

Yeah.

Thank you.